so distant and obscure, remains the cure. Saint-Étienne-Loire, le 16-18, toujours à vos côtés. Cigarette, l'amour, ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça... casser des abat-jour, ça fait stopper la cigarette, l'amour. Amadou et Mariam sur France Bleu, Saint-Etienne Noir en duo avec Christophe Maé, c'était l'amour. Allez, retour de la story. Charles Napoli, à l'approche de la Toussaint, on a demandé à Charles de nous dire si un cercueil c'était confortable. Charles, vous êtes devant l'objet, est-ce que vous vous sentez bien ? Bon les amis, on va pas se mentir, je suis pas sûr que je vais rentrer dans un cercueil. C'est, je sais pas, vous Vincent, ça vous fait plus rien, mais en passant la pièce ici où tous les cercueils sont exposés, j'ai eu un petit frisson. Ça vous fait plus rien vous ? Bah moi c'est vrai que j'ai pas la même approche donc ça me fait plus rien, mais oui ça peut c'est pas quelque chose de commun pour les personnes en dehors du funéraire de traverser une pièce remplie de cercueils. Ouais c'est un truc voilà, alors ils sont magnifiques tous ces cercueils, je vois qu'il y a des fiches techniques détaillées, il y a en fait c'est comme quand on achète j'allais dire une voiture ou un objet de consommation, il y a le modèle, il y a tout un tas d'options, on peut tout choisir dans son cercueil. Ben, disons oui, les accessoires, l'emblème, si c'est religieux ou non religieux. Ouais. Et puis après, les différents modèles qu'on propose. Hein, le capitonnage, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a dans le cercueil ? Oui, c'est donc l'intérieur du cercueil, ce qui donc cache le bois et, ouais. Et permet de, voilà, de... C'est les draps, quoi. Enfin, voilà, en gros... C'est super doux au toucher, je me permets quand même. Oui, hein, je... voilà. Il n'y a pas de souci. On sent que le cercueil, sous le capitonnage, c'est le bois brut, hein. Oui. On sent que c'est pas fait pour le confort, quoi. Enfin, voilà. Il y a un petit coussin, quand même, pour la tête, mais voilà. Niveau confort, c'est pas ça, quoi. Vous ne le voyez pas à la radio, mais ça, je vais vous faire une photo, je vous le mets sur les réseaux sociaux. Un cercueil graffé. C'est quoi cette histoire ? Alors, ben, donc là, c'est l'histoire de ce cercueil. C'est un modèle que j'ai fait réaliser donc, par un artiste. On a une agence donc, à Aurec-sur-Loire et il y avait un festival de street art. Donc c'est des personnes qui faisaient du street art sur des murs à la base et du coup j'aurais en discutant j'ai proposé de me faire un modèle un peu unique pour montrer aux familles que ben, tout est possible, qu'on peut faire vraiment toute chose, qu'on n'a pas de limite, pas de barrière. Et donc on est parti sur des fleurs et il m'a fait donc un modèle avec des coquelicots très colorés pour changer de des modèles plus austères qu'on a l'habitude de voir. Avant de se quitter, Vincent, puisqu'on est dans cette pièce bien chaleureuse où on a vraiment envie de rester longtemps, j'ai quand même une dernière question pour vous. Vincent, vous êtes aussi thanatopracteur. Il y en a très peu en Haute-Loire, pas beaucoup dans la Loire. Votre job, c'est de préparer les gens pour les cercueils. C'est ça l'idée ? Oui, alors pour leur famille, quoi, disons, pour qu'ils puissent se recueillir en ayant une image de la personne correcte. Pourquoi thanatopracteur ? Il y avait 1000 métiers. Même dans le funéraire, il y a plein de spécialités. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir rendre cet hommage ? Bah, moi, disons, j'ai baigné dans le funéraire depuis tout petit, parce que mes parents, donc, c'était donc leur société. Et quand je me suis intéressé à l'âge de 17-18 ans, j'ai vu faire donc un thanatopracteur sous-traitant qui venait réaliser les soins pour mes parents. Et je m'y suis intéressé. C'est quelque chose qui m'a plu, l'approche aussi de rendre une personne belle pour ses proches, toute cette attention. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'école de soins et sciences mortuaires à l'âge de 19 ans pour être diplômé à 20 ans. Merci Vincent, je vous serre la main quand même parce oui. Que j'espère Vincent que c'est pas demain la veille qu'on se revoit. Ben, vraiment le plus tard possible. J'espère aussi. Enfin, que vous me voyez pour le coup. Hein. Voilà. Oui. Et merci pour l'accueil des pompes funèbres, Robert. Je vous en prie, merci de votre visite. Belle journée. Belle journée à vous. Voilà, merci Charles Napoli. La story de retour demain dans la matinale de Yann Théroux entre 6h et 9h. Les photos également et les petits rushs justement de cette grande story à retrouver sur les réseaux sociaux, l'Insta et le compte Facebook France Bleu Saint-Étienne-Loire. Dans un instant, on fait le point complet sur les prévisions météo de ces prochaines 24 heures. La musique de retour tout de suite avec un souvenir. Et quel souvenir ? Il est signé Billy Joel.

Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Saint-Étienne-Loire, ici, on parle d'ici. Le 16-18, France Bleu Saint-Étienne-Loire, Frédéric Nicolas. Saint-Étienne-Loire, le 16-18, à tout moment pour vous accompagner. Dites-moi je dors, mais si je suis bien là, je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi, si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain, je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Caméra. Dans la foule, je me jette dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. Sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire, c'est l'heure de retrouver une semaine dans la vie de vendredi à l'espace culturel de la Buise. On est à Lorme, aura lieu une des dernières représentations d'une création signée par la compagnie Malgren. Johan Kerpedron s'est glissé, figurez-vous, au beau milieu des répétitions et ça s'est pas donné à tout le monde et c'est au programme de une semaine dans la vie de sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Comment elle faisait maintenant pour s'installer puis tout replier? Et l'imaginer toute seule, toute la nuit, endormie, dans sa bagnole ouverte, sur une route. Trop tôt, Kerwan, la tête. Là, t'as tourné la tête très vite, tu vois. C'est ce que je fais à chaque fois. Ouais, mais là, le son, il est, tu vois. C'est un sacré cadeau qu'on nous fait sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, la compagnie Malgren et les comédiens Kerwan Normand et Daniel Pasquier qui font actuellement un filage sur la scène de l'espace culturel de la Buire de l'Orme avec la fin de l'histoire, dernière création proposée au public par la compagnie Malgren. Vous pouvez retrouver les photos sur le site francebleu.fr parce que, en plus des acteurs, il y a une deux chevaux, une vraie deux chevaux sur scène. On va se rapprocher des comédiens pour qu'ils nous parlent un peu de cette belle création. Et là, t'es bien en place. Bah ouais, mais par contre, les amis, là, on est carrément... Daniel, c'est véritablement le moment de toutes les libertés, les répétitions. Oui, c'est sûr. Pendant les répétitions, on peut chercher. Mais le metteur en scène est important aussi pour dire ce qui passe, ce qui passe pas. Et chacun se ressent son personnage. Alors, parfois, il y a des grosses bagarres. Nous, on ressent ça comme ça. Et puis, l'autre le ressent autrement. Donc, il faut faire... un mix de tout ça. Le boulot de création et de mise en espace du Natex, c'est la partie presque la plus intéressante. Après, on la donne et au public, et c'est aussi super bien, mais c'est vrai que le moment de création, c'est vraiment génial. Et puis, on est resté un mois ici, dans un théâtre, et c'est vraiment le luxe de pouvoir rester répéter dans un théâtre. Est-ce que la difficulté aussi la plus importante pour vous, Daniel, qui êtes la compagne de Philippe, c'est de faire une cassure entre les journées de travail et le soir quand on rentre à la maison? Casser, c'est impossible, en fait. Sur l'oreiller, on se dit, mais non, mais ce passage-là, c'est pas possible. C'est très difficile de casser. On a vécu tant d'années sur une compagnie, porter une compagnie et sur tous les projets, c'est presque impossible. Serge dit que ça marche pas. Ok. L'histoire du lampadaire qui s'allume avant. Donc okay. On va l'enlever. C'est difficile à dire à un metteur en scène, Kerwan, là je le sens pas, ou non, je suis pas d'accord avec ça. Non, vous pouvez lui demander, quand il y a un truc qui me va pas, je le dis. Mais c'est tant mieux, enfin c'est ça le théâtre quoi. En tout cas ce que je cherche c'est d'être dans le moment présent et d'être vivant quoi. J'ai envie que ce soit vivant, j'ai envie que ce soit vrai, parce que le théâtre, pour moi, c'est une expression de la vie. Et du coup, si je me sens pas vivant, si je me sens comme un robot sur scène, comme un pantin qui fait ce qu'on lui a dit de faire, ça me va pas. Et du coup, on en discute et on avance comme ça. Et c'est ça le théâtre, quoi. Et ensuite, tu reclaques la portière, Daniel. Ok. Deux comédiens retrouvés sur scène, c'est ce vendredi à partir de 20h à l'Orme, et deux autres dates également sur le site francebleu.fr, la compagnie Malgrène qui vous attend pour leur dire au revoir, un au revoir à la scène avec cette création intitulée La fin de l'histoire, c'est tout un symbole. Allez, retour de la musique avec Nuit Incolore dans un instant, le groupe ABBA, tout de suite. France Bleu Saint-Étienne-Loire, on vous écoute. C'est un mauvais moment à passer qui permet soit de se rassurer, soit de commencer sans tarder un traitement qui peut nous sauver la vie. On vous écoute en ce mois d'octobre rose sur les dépistages des cancers, que ce soit celui du sein, celui de la peau, de la prostate ou le colorectal. Est-ce que vous les faites, ces examens médicaux? C'est devenu un réflexe ou bien vous les repoussez au contraire de peur d'avoir une mauvaise nouvelle? On attend vos témoignages demain dans le 6-9 France Bleu Saint-Étienne-Loire au 04 77 10 00 10. France Bleu Saint-Étienne-Loire, le 16-18 et Frédéric Nicolas pour vous servir de guide. Ou chez vous, France Bleu Saint-Étienne-Loire vous accompagne partout. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent. Ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Les larmes est une solution. Je deviens l'ennemi de ma raison. Je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres. Je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse. Je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister, mais au moins j'essaye. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Bien que l'or sur France Bleu Saint-Étienne-Loire est dépassé. Allez, France Bleu, Saint-Étienne-Loire, c'est l'heure de l'agenda des bons plans. On vous en donne quelques-uns tous les soirs de la semaine. Ce week-end, les 21 et 22 octobre, c'est à Saint-André-d'Apchon. Il va se dérouler la 30e édition de la foire d'automne avec un petit salon de vin, des produits du terroir, des animations musicales qui sont calées. Et puis alors là, franchement, on nous prend par les sentiments avec un pot-au-feu également qui sera servi sous chapiteau. Il y aura pour les plus jeunes, hein, une petite fête foraine installé sur place, et puis vous pourrez goûter justement ces produits du terroir. Il y aura un vide-grenier, une foire à l'huîtres, bref, vous allez vous régaler. C'est ce week-end à Saint-André-d'Apchon, la 30e foire d'automne. On vous parle à présent d'une comédie musicale, La Belle et la Bête. C'est à Saint-Dizier-sous-Charlieu, un spectacle merveilleux qui retrace l'histoire de La Belle et la Bête en chanson, un spectacle qui marque également l'anniversaire des 30 ans de la compagnie de théâtre Intrigants Company, qui va jouer ce spectacle. Rendez-vous à partir du 24, ça sera pendant les vacances de la Toussaint jusqu'au 5 novembre, tous les mardis, mercredis, jeudi et samedi. Et ça démarre à 16h à la salle de concert de Saint-Dizier-sous-Charlieu. Et puis, un cirque de passage dans la région. On est dans le Pila, le cirque Fratelli, qui est de passage à Pélussin ce week-end avec deux représentations, samedi et dimanche. À partir de 15h, rendez-vous au stade de Pélussin, puisque le château du cirque Fratelli s'est dressé là-bas. Voilà pour cet agenda. La musique de retour avec Jane dans un instant et Groover Washington. Just the two of us. Le 16-18, toutes les idées de sortie sont sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Just the two of us, building castles.

France Bleu, Saint-Étienne Loire. C'était Jane à l'instant avec Night Eight. Vous restez avec nous. On marque une courte pause et puis le retour de l'info, c'est juste après avec le flash de 17h. Anaïs Martin-Covy qui viendra ici sur France Bleu, Saint-Étienne Loire. On marque une courte pause. À tout de suite. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Saint-Étienne-Loire. Allez, belle fin d'après-midi à toutes et à tous. Merci de nous écouter. France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bon retour à la maison également, il est 17h. Il y a 17h, c'est l'heure du flash présenté par Anaïs Martin-Covy. Bonjour Anaïs. Bonjour Fred, bonjour à tous. On connaît enfin les adversaires des 9 clubs ligériens et alti-ligériens pour ce 6e tour de la Coupe de France de foot. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi à Grenoble. Feur ira jouer à Voix-en-Velin. Andrézieux Boutéon, qui évolue en National 2, affrontera l'AS d'Omératoise, qui elle joue en Régional 1. Et puis le Puy-Foot recevra Chassieux Bessine. Dessine le 6e tour, c'est dimanche 9 octobre. On vous a mis toutes les affiches sur francebleu.fr. Un derby ligérien ce soir en Coupe de France de basket cette fois. Le SCBVG reçoit Rouen pour les 32e de finale. Ça se passe à l'Arena de Saint-Chamond à 20h30 ce soir. 4 personnes suspectées d'avoir participé aux violences urbaines à Saint-Étienne ont été arrêtées hier. Ils ont entre 19 et 50 ans. C'est leur sang retrouvé dans les commerces pillés qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à ces 4 suspect. Vendredi, le tribunal de Saint-Étienne doit rendre son délibéré dans une autre affaire liée aux émeutes, celle concernant les incendiaires présumés de la mairie de Rive-de-Gier. 3500 Français ont été rapatriés d'Israël, a annoncé Elisabeth Borne cet après-midi. Elle a aussi fait le point sur le bilan humain qui ne cesse de s'alourdir. 24 Français ont trouvé la mort dans le conflit entre Israël et le Hamas. 7 Français sont encore portés disparus et d'autres sont probablement retenu en otage à Gaza. L'Israël qui vient d'autoriser la mise en place d'un couloir humanitaire entre l'Égypte et la bande de Gaza pour apporter de la nourriture, de l'eau ou des médicaments pour la population qui vit depuis le 7 octobre sans eau ni électricité. Et c'est dans ce contexte qu'un rassemblement en soutien au peuple palestinien est prévu à Saint-Étienne tout à l'heure. Il est organisé par la CGT de la Loire, le FSU et le Mouvement pour la Paix. C'est à 18h, place Jean Jaurès. Depuis l'assassinat du professeur de lettres à Arras vendredi dernier, les alertes à la bombe se multiplient. Ce midi, c'est le château de Versailles et plusieurs aéroports, dont l'aéroport de Lyon, qui ont été évacués après des menaces d'attentats. Et puis on a appris la libération d'une chercheuse franco-iranienne aujourd'hui, accusée d'espionnage. Fariba Adelka, une anthropologue, était retenue en otage en Iran depuis 2019. Son comité de soutien annonce son retour en France aujourd'hui. Le vent va continuer de souffler sur nos départements. Météo France prolonge la vigilance jaune pour la Loire et la Haute-Loire jusqu'à demain, 6h. La Loire est aussi placée en vigilance jaune orage à partir de demain matin et jusqu'à 15h. On y revient tout de suite avec vous, Fred. Merci Anaïs, on vous retrouve tout à l'heure à 18h. La météo tout de suite sur la Loire et la Haute-Loire, c'est avec de la grisaille, de la pluie, des averses et du vent également jusqu'à 75 km/h. Ça sera un petit peu pareil en soirée et une bonne partie de la nuit pour demain. On va se retrouver avec ce gris dans le ciel et puis de la pluie en matinée. Ça ira mieux, on sera au sec l'après-midi avec quelques rayons de soleil attendus sur la Loire et la Haute-Loire pour les températures. On attend 17 degrés à Issingeaux, 18 au Puy-en-Velay à Saint-Bonnet-le-Château, 19 degrés sur la métropole stéphanoise à Saint-Chamond-Monistrol-Charlieu, 20 degrés à Feur, Roanne, Saint-Galmier et Montbrison. Le

fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague. Vous t'avez fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort? C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Le 16-18, toutes les idées de sortie sont sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le jeune humoriste stéphanois bourré de talent, Max Evans, loue le Zélite de Saint-Étienne avec ses propres moyens. Son spectacle est prévu le 25 novembre. On a le temps, mais on va tout de suite quand même le retrouver pour en parler. Bonjour Max Evans. Salut tout le monde. Bienvenue sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Alors Max, c'est une sorte de retour aux sources hein, pour vous, cette date au Zélite de Saint-Étienne, car vous avez grandi dans cette ville de Saint-Étienne. C'est ça, moi je suis né ici, je suis né à Saint-Étienne. J'ai grandi ici, ma famille est ici, donc pour moi les bases sont ici. Bah, c'est une sorte d'accomplissement. J'ai découvert en préparant l'intervention que vous aviez quand même pas mal sacrifié de choses matérielles hein, concernant votre quotidien pour réaliser ce spectacle. Car c'est vous donc qui allez louer le Zénith carrément avec vos fonds personnels. C'est ça, j'ai même perdu mon logement. C'est-à-dire que au lieu de payer mon loyer, j'ai tout investi dans ce projet-là, hein, que ce soit devant ma voiture, devant mon téléphone. J'ai tout mis dedans. C'est pour ça que voilà, j'attends aussi un retour un peu sur ce que j'ai investi, puisque mon objectif premier est quand même de faire rire le maximum de gens. Donc c'est pour ça que j'espère que voilà, j'investis sur les bonnes choses. Faire son spectacle dans un Zénith, c'est un petit peu le Graal. Il y a une dizaine de dates ensuite qui vont s'enchaîner à travers toute la France hein. Oui, tout à fait. Même un peu plus là du coup, parce qu'on est sur vraiment une prépa d'une grosse tournée. Qui sera sur une trentaine de dates. Bon, ce spectacle, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler hein, d'ici le 25 novembre sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Ça s'appelle le One Max Show. Qu'est-ce que vous abordez comme thème? J'aborde en fait la vie en général, la vie de tous les jours, moi, ma vie à moi, les anecdotes que j'ai eues aussi dans ce milieu-là, parce que c'est vrai que c'est un milieu que les gens ne connaissent pas forcément. Du coup, je vais raconter un peu ce que j'ai vécu là-dedans, je vais raconter mes histoires de famille que tout le monde a déjà vécues. Voilà, moi je vais raconter un peu mes petits problèmes, puisque c'est vrai que j'ai eu un peu de complications avec les filles, j'ai du mal. Il y a des périodes où j'avais pris un peu de poids, donc c'était une vie totalement différente. Je vais aborder tous ces thèmes-là sur en plus les jeunes en 2023, puisque la jeunesse en 2023 est plus la même que la jeunesse en 1900 et des bananes. Donc voilà, c'est tous ces points-là que j'aimerais

pris dans tes danses, d'autres dans ce désert. J'ai cherché ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer à tirer, à toucher. Fallait pas t'en donner. Moi je sais pas jouer. Que l'on se gâche. Je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Exception dans le jeu de Loire entre 11h et midi. Pour célébrer ses 10 ans, France Bleu vous offre le must du must, le coffret de macarons anniversaire France Bleu préparé par Franck Deville. Pour les garnitures, Franck Deville a sélectionné des produits français haut de gamme, les clémentines de Corse, mais aussi le fameux citron de Menton, le cassis de Bourgogne, confectionné à Roche-les-Molières. Ils incarnent le luxe et l'élégance à la française. France Bleu Saint-Étienne-Loire vous offre ce cadeau d'exception cette semaine entre 11h et midi. Le 7-9, France Bleu Saint-Étienne-Loire. Johan Kerpédron. On vous offre des places de concert au fil de Saint-Étienne et notamment pour celui de Arthur H. Des places pour la comédie des cadeaux jardins et le nouvel album de Marc Lavoine. Encore une fois, une belle ronde de cadeaux pour vous tout le week-end et une balade au château de Gouttelin, un site extraordinaire avec un atelier en plein air pour le patrimoine du forêt. On vous gâte et on vous fait sortir samedi et dimanche à partir de 7h sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire, le 16-18, à tout moment pour vous accompagner. Allez, France Bleu Saint-Étienne-Loire, c'est l'heure de retrouver Martin Mouillet qui sera là avec nous dans 100% Saint-Étienne. Un 100% Saint-Étienne qui démarre à 18h30 puisqu'il y a le MAC de la Coupe du Monde de rugby, même si les Bleus sont éliminés. La Coupe du Monde continue avec de gros matchs en perspective, les demi-finales. On va vous parler de tout ça entre 18h et 18h30 et juste après ça, 100% Saint-Étienne. Martin, on parle de quoi ce soir? Eh oui, salut Frédéric Nicolas, on parle de natation ce soir avec le Saint-Étienne Natation qui a fusionné avec l'Aquatique club Saint-Etienne Métard, c'est un peu compliqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle entité qui a plus de 1200 licenciés et qui fait un carton pour ses premières journées de départementale. Plus de 30 points d'avance sur les autres clubs. On va revenir sur ce palmarès et sur ce nouveau club, la fusion, comment ça s'est passé, et puis les objectifs, peut-être avoir un niveau national qui va s'installer en natation à Saint-Etienne. On va en reparler avec nos invités à partir de 18h30 sur France Bleu Saint-Etienne. Et comme vous l'avez dit, la Coupe du Monde de rugby continue à partir de 18h. C'est le mag 100% Coupe du Monde. A plus, Fred. Merci, monsieur Mouillé, Martin de son prénom. Allez, vous restez avec nous, la musique avec Alicia Keys, c'est tout de suite. As a place of movie scenes, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. He's found down on Broadway. Sur France Bleu, Saint-Étienne, Loire. Allez, vous parlez de la fête de la bière, c'est ce week-end, c'est à Saint-Just-à-Rambert avec des exposants brasseurs de la Loire qui vont venir vous faire goûter, découvrir leur bière avec une belle soirée animée avec des groupes de musique locaux. C'est ce samedi soir, c'est à 18h à la salle de l'Embarcadère à Saint-Just-à-Rambert. Et puis il y a une fête des vignerons, ça se passe à Saint-Romain-le-Puy et c'est, figurez-vous, ce dimanche, on sera le 22, c'est à partir de midi. Saucisson vignerons et pâté aux pommes vont accompagner les petits vins du forêt avec une belle animation. animation musicale. Voilà, pour les adultes, hein, c'est 20 euros et pour les enfants, 10 euros. Et puis la fête de la châtaigne, organisée par le comité des fêtes de la Tour en Jarret. C'est ce week-end, les 21 et 22, samedi et dimanche, au cœur du village. Il y aura une grande course à la châtaigne. Et puis le dimanche 22, la grande fête de la châtaigne. Vente et dégustation, bien sûr, de châtaigne. Et puis il y a également des artisans qui seront présents, des stands gastronomiques. Une belle ambiance pour cette nouvelle édition de la fête de la châtaigne. C'est ce week-end. Et c'est à la Tour en Jarret. Voilà pour cet agenda. Pascal Obispo arrive pour la musique avec Comment s'aimer, c'est tout de suite. Le 16-18, toutes les idées de sortie sont sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Tout ça n'a plus grande importance. Fois que j'y repense, j'ai bien aimé comme on s'aimait. Marcher était un pas de danse, et je crois qu'on marchait sur l'eau. Il me reste cette évidence, j'ai bien aimé comme on s'aimait. Chaque jour, peut-être un jour de chance. Chaque mois peut-être un mois de mai, mais comment savoir à l'avance? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir? J'ai eu des joies immenses et des peines à peine voilées, mais sans chercher l'équivalence. J'ai bien aimé comment s'aimer, de quoi est faite l'existence. Que reste-t-il à l'arrivée, s'il faut sauver quelques séquences? Je garde celle où l'on s'aimait. Un printemps sans cesse renouvelé, mais au-delà de l'attirance, comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Savoir comment s'aimer. Chaque jour, peut-être un jour de chance. Chaque mois peut-être un mois de mai. Encore faut-il saisir l'urgence de savoir comment s'aimer. Savoir comment s'aimer. Comment savoir comment s'aimer. Merci Pascal Obispo. On va se quitter avec Pascal. Et puis dans quelques instants, on va parler rugby. Juste après l'info de 18h. Le journal complet à 18h. Le rugby avec le MAC de la Coupe du Monde. Et juste derrière ça, Martin Mouillet qui débarque sur France Bleu Saint-Etienne-Loire avec 100% Saint-Etienne. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve demain entre 11h et midi pour jouer avec vous. Sinon, rendez-vous également entre 16h et 18h. Merci Frédéric Nicolas. Effectivement, le rugby en première partie d'émission avec le mondial qui continue sans la France malheureusement, mais toujours avec les équipes en tête. On y reviendra avec Arnaud Carré et Dominique Burdeau dans le Max 100% Coupe du Monde. Et après, natation sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. J'en profite pour vous rappeler l'événement de la semaine prochaine. Le Ballon d'Or arrive à Saint-Étienne, à la brasserie Geoffroy Guichard. Le Progrès, France Football et France Bleu Saint-Étienne-Loire vous y convient pour prendre en photo le Ballon d'Or et vous, bien sûr, par la même occasion. Et puis de 18h à 19h, lundi 23 octobre, on vous fera vivre cet événement en direct dans 100% Saint-Étienne sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Un événement à ne pas manquer, bien sûr. Je vous le disais, à partir de 18h30, la natation. On va revenir sur le SEAM, un club de natation stéphanois qui défie vraiment tous les pronostics. 1200 licenciés, voire plus, et des places, des premières places. En voulez-vous? En voilà. C'est à partir de 18h30 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, après les infos d'Anaïs Martin-Covy. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalgie. À ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalgie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalgie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Saint-Étienne-Loire. Vous êtes sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bienvenue à toutes et tous, il est 18h. Les infos sont signées Anaïs Martin-Covy. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Martin, bonsoir à tous. Pour la météo, de la pluie ce soir et des températures de 15 à 17 degrés au niveau du trafic. Toujours ces soucis récurrents sur le col de la Borie, la 72, la 88 autour de Saint-Étienne. On vous détaille tout après le journal. Un nouveau rassemblement de soutien pour le peuple palestinien en ce moment à Saint-Étienne. Oui, ça se passe place Jean Jaurès. La CGT, la FSU et le Mouvement pour la Paix appellent à une mobilisation pour la sauvegarde des populations civiles, alors qu'Israël vient d'autoriser la mise en place d'un couloir humanitaire entre l'Égypte et la bande de Gaza. La population est soumise depuis le 7 octobre à un siège strict et commencé à manquer d'eau potable. En France, les alertes à la bombe se multiplient. Oui, c'est le cas depuis l'assassinat vendredi du professeur de français à Arras. Le château de Versailles a dû être évacué pour la troisième fois en une semaine. 9 aéroports ont été concernés aujourd'hui, notamment celui de Lyon. Sans compter aussi les alertes ciblant les lycées qui mobilisent à chaque fois de nombreuses forces de police. Aurélien Tirard. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi, les équipes de France 3 à Reims sont ont évacué leur bâtiment hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Et le ministre de la Justice prévient les auteurs de ces alertes cet après-midi. Ils seront retrouvés et punis. Il était question du budget pour 2024 à l'Assemblée nationale cet après-midi. La première ministre Elisabeth Borne a utilisé une nouvelle fois l'article 49.3 pour faire passer en force le projet de loi des finances. Aussitôt, le Rassemblement national et la France insoumise ont annoncé déposer une motion de censure. 18h03 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Faites-vous dépister contre le cancer du sein. Des ateliers de dépistage sont organisés toute la journée demain à l'hôpital de Roanne. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente un cancer féminin sur 3. Mais il ne concerne pas que les femmes. Philippe Collet est médecin à la retraite bénévole à la Ligue contre le cancer de la Loire. Il explique que les hommes aussi sont concernés. Un cancer du sein sur 100 est masculin. Et il est en général un peu plus grave parce que la tumeur n'est pas protégée par le tissu adipeux qui représente la plus grande partie du sein chez la femme. Et donc il est plus rapidement adhérent à la paroi thoracique. Alors les hommes font moins attention à ça. Maintenant tout le monde fait sa toilette et se rase le matin devant son miroir. Donc s'il y avait une grosseur d'un côté, s'il y avait un écoulement, si en faisant la toilette on sentait une boule dans sa poitrine, en plus c'est plus petit chez un homme, donc la palpation est plus facile. Mais c'est pas un geste qu'on apprend aux hommes, alors qu'on dépistait de bonne heure, très tôt, 9 cancers du sein sur 10 guérissent. Et justement, le dépistage, est-ce qu'il est devenu un réflexe pour vous? Est-ce qu'il vous fait peur? On vous écoute à partir de 7h45, demain matin, sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Nelly Julliard, chargée de communication à la Ligue contre le cancer, sera en studio pour en parler avec vous demain. On connaît enfin toutes les affiches du 6e tour de la Coupe de France de football. Oui, c'est le dernier tour avant que les clubs de Ligue 2 et donc l'ASS rejoignent la Coupe de France. On vous a mis toutes les rencontres sur francebleu.fr, mais parmi les 9 clubs ligérien et alti-ligérien. On a Feur qui affrontera le Vaux-en-Velin, Andrézieux qui ira à Domera et puis Saint-Chamond qui recevra Volvic. Ce 6e tour, c'est dimanche 29 octobre. La Coupe de France, il y en a aussi une en basket. Et ce soir, c'est un derby ligérien qui nous attend. Le SCBVG reçoit Rouen pour les 32e de finale. Ça se passe à l'aréna de Saint-Chamond à 20h30. Et attachez vos cheveux, le vent va continuer de souffler dans la Loire et la Haute-Loire. Météo France prolonge la vigilance jaune jusqu'à demain matin 6h. Et puis la Loire est aussi placée en vigilance jaune orage. Elle commence à partir de demain matin et elle durera jusqu'à 15h. Du côté de la météo, justement, on en parle du côté des températures. Effectivement, une vigilance jaune, vous le disiez, pour phénomène de pluie plutôt éparse en cette soirée. Nous signale Météo France des températures entre 14 degrés à Issingeaux, 15 à Saint-Bonnet-le-Château, 16 au Puy-en-Velay à Saint-Étienne, 17 dans le Roannais et dans le Forêt. Pour ce qui est de vos conditions de circulation, ça bouchonne toujours autour de Saint-Étienne. Tout de suite, le MAC 100% Coupe du Monde de rugby avec Arnaud Carré et Dominique Burdouf. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby, Dominique Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAG 100% Coupe du Monde de rugby, dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le coq sportif, dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous depuis la maison de la radio. Donc nous, on va continuer cette Coupe du Monde de rugby avec vous, pour vous et vous. Est-ce que vous avez prévu d'être devant votre télévision ce week-end pour les 2 demi-finales de la Coupe du Monde? J'attends vos commentaires en direct au 0810 055 056. Les Bleus du foot ont attendu bien longtemps, eux, avant de devenir champions du monde. On fera quelques parallèles avec l'un des champions du monde 98, Vicente Lizarazu, consultant football de Radio France, qui sera avec nous avant 18h30. Je salue notre spécialiste rugby, Arnaud Carré. Salut Arnaud. Salut Dominique. Un MAG 100% Coupe du Monde que vous suivez sur Noah, chaîne de France 3, disponible sur toutes les boxes et bien sûr sur francebleu.fr. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby. Et